Cartographie des mémoires. Memoria en cartografía. Pays basque, Californie. Euskal Herria, California. La huitième province. Zortzigarren eskualdea. Tu te trouves devant la porte d'entrée d'un cimetière. L'architecture des cimetières contemporains ressemble à celui que tu as devant toi. Il est entouré de quatre murs, il donne sur une route, il contient des pierres tombales organisées en rangées. Les sentiers de circulation y sont en gravier ou bien en goudron et plus rarement sur de l'herbe. Cimetière trouve ses racines dans le grec ancien. Il signifie « dortoir », là où les morts dorment ensemble. Le territoire des morts est souvent étanche au territoire des vivants, et pourtant chaque individu, chaque famille, se trouve y avoir des parents ou des amis. Tu vas maintenant franchir la porte qui sépare ces deux territoires. Commence à avancer et arrête-toi devant une allée de ton choix. Regarde autour de toi. Tu viens d'entrer dans une ville dans la ville. D'une culture et d'une époque à l'autre, nous confinons dans le sous-sol ce que nous souhaitons protéger. Souvenirs, messages, objets, secrets, matières précieuses et vies fragiles. Le temps se comporte différemment sous nos pieds et il est parfois possible de le ralentir ou de l'arrêter. De même que les vivants ont besoin de lieux où habiter, les êtres de mémoire que nous sommes avons besoin de lieux où s'adresser à nos morts. Si nous confions à la terre nos morts, c'est aussi en quelque sorte pour les sauvegarder. Quand on entre dans un cimetière, c'est souvent le silence qui domine. C'est une sorte de faux silence. Les morts ont des choses à nous raconter. Tu vas te promener dans l'allée. Marche tranquillement, sans t'arrêter, et observe les plaques, épitaphes et dates. Qu'est-ce qu'elle raconte des personnes qui habitent cet endroit? Le cimetière est le gardien de l'histoire de la ville et des histoires de vie de ses habitantes. Il y a des personnes seules, d'autres en couple ou bien en famille. Tu trouves aussi des époques différentes. Chaque tombe raconte une histoire, chaque histoire a son nom, sa date et son épitaphe. Le temps passe, les souvenirs restent. Nous ne t'oublierons jamais. Gure ama, gure aita, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Ama chiri eta aita chiri, tes amis qui ne t'oublieront pas. Amachi, gros mouchou pour toujours. Lève les yeux vers le ciel. Je ne sais pas si le jour où tu viendras, tu auras la chance d'observer le vol des oiseaux migrateurs. Ma famille, tout comme bien d'autres, partage des similitudes avec les oiseaux. Il est important de savoir qu'il n'y a pas seulement les oiseaux qui cherchent des cieux plus cléments. Résidents permanents, résidents d'été, d'hiver ou en transit, plusieurs facteurs influencent le choix d'une destination lors des grandes migrations. La situation climatique ou la recherche de nourriture. Certains oiseaux voyagent en famille, comme les hirondelles, et d'autres préfèrent la solitude. Il en est de même pour les humains. Contrairement à la croyance, les oiseaux ne migrent pas par peur du froid, mais par appréhension du manque de nourriture. Et tout comme ces oiseaux, l'ancêtre de ma famille avait dû partir de l'autre côté de l'océan, en Amérique du Nord. Mon grand-père avait volé de Paris à New York via l'Irlande avec un groupe de 15 personnes issues des villages voisins. Il avait rejoint sa sœur en Californie, émigrée 2 ans avant lui. Il y avait travaillé comme berger pour une famille d'origine de Chibérua. La première fois qu'il avait marché sur cette nouvelle terre, ses pensées ressemblaient à un enchevêtrement de plantes. Ses idées, ses racines étaient restées incrustées derrière les paysages qui entourent les murs de ce cimetière. Et tout lui semblait si différent dans ces grandes étendues. Grégoire Iturria a écrit Trampa gorria Unarat etorria, untsa urrikitia, fitesko ustu behartokia. Venir ici est un piège, un regret, un lieu à vite quitter. La joie, mon grand-père l'avait retrouvée, mais ça avait pris du temps. Il avait cultivé de nouvelles amitiés pour chasser la nostalgie de son cœur. Et bien des années plus tard, il aimait dire à ses amis américains « Tu vois, je suis américain d'adoption et basque de cœur. Moi, j'ai deux pays et je suis plus riche que toi. » Les gens et les plantes ont en commun le cours de l'existence. Germination, croissance, maturité, vieillissement et mort. Certaines plantes peuvent réchapper d'un cataclysme et pousser à nouveau. Continue à marcher et cherche une tombe avec une photographie de femme. Tu en as trouvé une ? Regarde-la attentivement. Quand on est devant une tombe, on ne sait pas trop quoi faire. Où sont nos morts ? La mort est au cimetière, mais nos morts sont ailleurs, dans les souvenirs qu'ils nous ont laissés. Oui, il y a plus fort que la mort. C'est le souvenir des absents dans la mémoire des vivants. Le jour où cette photo a été prise, c'était peut-être un jour où cette personne se sentait particulièrement bien. Ou bien la veille d'un départ, ou d'une réunion de famille ou d'amis. C'était un jour un peu particulier, parce que sans que cette personne ne le sache, la photo qui allait être prise allait la représenter pour l'éternité. C'est important de mettre des photos sur les tombes. Le temps emporte et efface les voix et les visages. Baina, begira ditugun irudi hauetan gizoneskoak besterik ez dira ikusten. Kuadrotan, inguruko freskei, eta hori izugarri frustragarria da. Ze azkenian, nork erakutsi dugu dantza egiten emakumeek. Historiak ere haiek kontatzen zizkiguten. Baina ezakigu hoietako askoren izenak, azkenean eta ez ditugu irudietan ikusten, azkenean ez da emakumeetaz hitz egiten. Tu vois, parfois, je crois que les femmes n'ont pas été assez reconnues par l'histoire. Elles sont restées dans ce silence. En Californie, elles ont passé la langue et la culture. Beaucoup de chansons et de danses ont été transmises par des femmes et pourtant leurs noms n'ont pas été gardés. Il y a des raisons structurelles pour lesquelles les femmes ont été oubliées ou exclues. Parce qu'elles n'ont pas eu les mêmes opportunités, parce qu'elles n'ont pas eu les mêmes chances ou parce qu'elles n'ont pas eu le même droit d'aller dans les pubs, par exemple. Adresse un compliment muet à la personne que tu as devant toi. Recommence à marcher et va trouver un endroit près d'une tombe, un endroit où tu peux t'asseoir tranquillement. Ça peut être par terre ou sur le rebord d'une tombe. Tu as trouvé ? Alors je vais te raconter une histoire. Echeverria, Ugarte, Atxiritogaray, Etxekopar. Tout au long du XXe siècle, ce sont des familles entières qui sont parties d'Iparralde pour l'Amérique, mais aussi des individus isolés. Loli, Rochemari, Mariana, Petian et mon grand-père. Je me suis souvent demandé ce qui les avait poussés à partir. Beaucoup d'entre eux parlaient peu. Certains bergers, à force de vivre seuls, avaient pris l'habitude du silence. Mais le silence parle, il suffit de l'écouter. Pourquoi étaient-ils partis ? Étaient-ils partis parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils refusaient de faire la guerre ou parce qu'ils rêvaient de terres à conquérir ? Boise pour ceux et celles de Biscaya, San Francisco, Bakersfield et Chino pour ceux et celles du Bastan et d'Iparralde. L'émigration a déshabillé des vallées. Ce sont des centaines de bergers qui émigrèrent des années 30 aux années 60 du Pays Basque aux États-Unis, constituant la diaspora. L'hiver dans le désert, le printemps dans les alpages. l'espoir de retrouver aux États-Unis les cousines, frères, sœurs, amis déjà partis, berger qui avait troqué les montagnes des Pyrénées pour des montagnes inconnues, un contrat de ranchman de 10-15 ans au terme duquel certains retournaient au pays et devenaient les Américains. Mon grand-père, lui aussi, avait émigré pour revenir. Il était devenu berger pour s'installer plus tard dans la vallée. C'était un détour immense, mais pour lui qui avait 11 frères et sœurs, c'était aussi la seule solution qui lui était offerte. Il était porté par la promesse de faire fortune, que tout ce qu'il allait gagner serait économisé. Il avait détesté ce travail et la solitude qui l'accompagnait. Cette vie avait été si difficile qu'il avait eu l'impression de gâcher ses meilleures années dans le désert et les montagnes. Au bout de 5 ans, il s'était installé à Chino. Il y avait travaillé dans une ferme laitière pour une connaissance originaire d'un village voisin du Pays Basque. C'était bien mieux que l'élevage de moutons. Il avait apprécié de travailler avec des êtres humains. Là-bas, il avait rencontré ma grand-mère et, comme beaucoup de Basques, était finalement resté. Quand on perd quelqu'un qui nous est proche, la première chose que l'on tend à dire est « ce n'est pas vrai », parce que notre réalité s'en trouve bouleversée. Et c'est ce qui s'était passé à la mort de mon grand-père. C'était un peu comme quand on t'arrache une dent. Tu prends lentement conscience de ce qui t'arrive. Au début, il y a un trou béant. Tu passes ta langue sur la gencive en essayant de t'habituer à cette nouvelle sensation. Mon passé, notre passé, n'est pas seulement la somme des divers événements survenus depuis notre naissance. Il comprend aussi des événements survenus bien avant, qui concernent nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres. La façon dont ils ont été vécus nous affecte encore aujourd'hui, depuis notre naissance et jusqu'à notre mort. Et si les morts nous poussaient à agir? Qu'est-ce qu'on perd à la mort d'un proche? On perd la mémoire que toutes ces personnes ont à nous donner. Et c'est bizarre de passer la langue sur une gencive douloureuse. Les morts sont des invisibles, mais non des absents. Qui porte la mémoire de ce que nous, enfants, avons été pendant notre enfance? À la mort d'une personne, disparaissent aussi une partie des souvenirs du passé. Tout comme beaucoup de personnes de ma génération, je reste consciente de ce que les émigrés nous ont donné. Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant? Pour pouvoir penser aux morts, il faut être vivant. Et c'est un métier difficile que de vivre. Qui nous l'apprend? Vivre n'est pas inné. Quand on est jeune, cet élan de vie, sans le savoir, nous le portons en nous. Il y a plein de manières de se sentir vivant. Pour moi, qui est né en Californie, il s'agit de revenir au Pays Basque, de marcher dans les montagnes, de sentir l'odeur d'humidité dans les maisons et de passer du temps avec ma famille. Bon nombre de mes amis du centre basque ont trouvé des méthodes pour être à la hauteur de leur mort. Elles considèrent que leur présent, leurs actions présentes, est un futur qui est important à ceux et celles qui ne sont plus là. La génération de mes grands-parents a créé des endroits pour pouvoir se retrouver. Pour les premières générations, c'était important de se rencontrer, danser, s'aider et faire du réseau. Je suis moins connectée que mes parents au Pays Basque et mes enfants moins que je ne le suis. Et pourtant, je reste intimement persuadée que ces endroits vont perdurer de par l'implication de ma génération. C'est une de ces charges que je porte sur mes épaules, mais qui est faite d'amour, de culture et de passion. Comment garder nos connexions entre nous, avec le Pays Basque? Les réponses reposent sur nous maintenant. As long as there is a place for people to gather, if there is a Basque club and they have a facility, people will fight harder to keep that alive. I believe that. As long as we have this and the generation continues to go along, there are going to be future generations of Basque that are going to work hard to try to keep it, because it's special to them, and they have a place to gather at. On ne pense jamais tout seul. On pense avec d'autres, les morts et les vivants. Je ne crois pas aux fantômes, mais quelque part en moi subsiste une trace de mon grand-père. Il m'a laissé des pierres avec lesquelles construire mes fondations. Regarde les fissures et les brèches sur les tombes les plus anciennes. Mon grand-père est enterré au cimetière de San Bruno, à Colma, la cité des âmes. Tous les deux ans, je reviens au Pays Basque avec mes enfants. C'est parce que j'ai besoin de regarder à travers ces brèches, découvrir ce qui est dissimulé, recouvert et presque effacé. Avec mes allers-retours au Pays Basque, je continue en quelque sorte à me fabriquer des souvenirs avec mon grand-père. Je sais qu'en venant ici, je suis dans un endroit qu'il a aimé autant que je l'aime. Revenir ici, pour moi, c'est faire en sorte que mon grand-père, même mort, ne m'oublie pas. C'est mon rituel de convocation pour continuer à entendre sa voix et le bruit de son âme. Tu vas recommencer à te promener en te dirigeant peu à peu vers la porte d'entrée du cimetière. Nous manifestons souvent plus de tendresse aux morts qu'aux vivants. Ce sont pourtant les vivants qui en ont le plus besoin. Quand j'étais enfant, le bruit du vent dans les arbres me faisait frissonner. Et pourtant, les oiseaux que tu entends, les lézards qui se prélassent au soleil, les couleurs des feuilles qui changent au gré des saisons, les plantes qui poussent dans les allées de ce cimetière ou bien le lierre qui s'infiltre à travers les brèches. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces plantes ? Elles nous racontent que malgré les saisons, malgré tout, il nous faut continuer. Et c'est la leçon de cet endroit. Ces oiseaux, la pluie, les plantes, ces paysages à l'aube ou au crépuscule, c'est la vie qui exprime son amour à la vie. Rien de plus. Mais c'est une leçon importante.